Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On Skyrock. Ok, ok. خاطر tout le monde. Jesus. Yeah, yeah, yeah. que je bosse ça depuis des années. Si j'ai bossé, bossé, ben c'est pour les centimes. Je fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas faner. Je vais les laisser dans le déni car ce soir je suis dans mon délire. Ouais, pour ça devient terrible. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Parle pas trop de folie, même mon bled, on est reconnu. Mon frère, dis-moi qu'est-ce qui t'arrive. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et plus on a Charlie, ouais, n'a pas rien dansé. Le DJ, mon rat, ta copine est danger. On se le bled, ça va pas changer. Je suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Younes, la France, in Albu. Longue vie à nos potos, Neuromant et le jet set. J'passe à Kema pour conso. J'ai dit ciao ciao à l'Europe. J'ai dit salam à l'Afrique. Ils ont tabac mon passeport. J'vais laisser tout mon fric. Marina joue l'un de pop. Va dire à Lucien Albo. Ferrari en Rebella. Comme si j'étais Dubaï. Où est l'Eda, dire Rubella. Suprême Skyrock. Skyrock. Skyrock. Ils ont gagné 1500 euros dans le Morning de Default sur Skyrock. Et ils savent ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, je viens de déménager, du coup, c'est super. Je vais faire un gros soir avec mes potes, ça va être génial. Je vais faire plaisir à mes amis. Je mange ta prod. Bah, elle est dépensée. Ah, bah, moi, je garde tout pour moi. Non, mais attends, Romano, je t'ai reconnu, t'as pas gagné les 1500 euros, toi. Tiens. Quand Default t'appelle et te demande quelle est ta radio préférée, réponds Skyrock. Skyrock. Et après, fais-toi plaisir. Le Morning de Default, 6h-9h sur Skyrock. The Morning Show. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Y-A-X. Yax. Planet Rap. Planet Rap. Right now. Pour son tout nouvel album, Tala choisit Skyrock. Viens le découvrir une semaine avant sa sortie. On exclut chaque soir dans Planet Rap. Et Rap. Une semaine avec Tal tous les soirs en direct sur Skyrock. Planet Rap. C'est Planet Rap, nouvel album de Tal. 20h-21h, en direct avec Fred sur Skyrock. Et en vidéo live sur Skyrock.fm et la nouvelle appli radio Skyrock. Édition Cosmos présente Rail Suprême. Minuit, 2h, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Sans oublier DJ Dila, DJ Dila Faisal, Aya Kowalowski, Salah Sahbi, Bizzal, Bizzal. Esmhi li ya madame, Ana nbghi wehdi. Esmhi li ya madame, je me dis moi, ça le fait, ça le fait. n'a jamais assez. Je rêve de quartier, quartier. Va dire à mon ex, il a raté, raté. La daronne pense au bled, elle en a vraiment pas fait. Je me battrai jusqu'à ce qu'on puisse évader, fader. Le corps d'une princesse, visage maléfique. Tu t'es fait ketchup, je trouve ça magnifique. Tout marche pour moi, rien marche pour ces bitches. À croire que leurs bails sont paraplégiques. Ici on brasse autant qu'on bédave. Le Glock et le joint sont bien, j'ai le char. Je m'en veux après ton héritage. Le pied et les yeux de cheveux. Ma mère était douce et sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Pas demain qu'on quittera le rage. Ma mère était douce et sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Pas demain qu'on quittera le rage. Je suis pirate donc l'eau de mer. Je suis pirate donc l'eau de mer. Je suis pirate donc l'eau de mer. Je suis pirate donc l'eau de mer. Minuit, 2h. Rail suprême. C'est Rail suprême sur Skyrock. C'est le quartier qui me quitte. C'est moi qui te quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. Tyson, Tribord de Bombardier. Je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, c'est mon palier. J'ai déjà pas le moment baissé sur le palier. Comme autre tien, mais oh, j'suis médaillé. Pas mon lance, négro, allez, dalle. La cuenta fut très très sale. Ta Allah, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis devant un plat de thieboudienne. Maintenant j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Rail suprême. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Allô, bébé, comment tu vas? Allô, chérie, comment tu vas? Je viens aux nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes affaires sont dans la poubelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour eux, j'ai tout donné. Faut t'avouer, moi j'ai pardonné. Ah, j'ai tout donné. Aujourd'hui, mon royaume s'est écroulé. J'ai toujours espoir. S'il te plaît, ma chérie, ne me laisse pas. Je vais monter les strates. Si tu me laisses, mon cœur reste là. Non, je peux pas le nier. Aujourd'hui, tes problèmes sont les miens. Non, je peux pas le nier. Tu me tends ta main, bah, je te tends la mienne. J'ai déconné. Sans toi, je peux plus déconner. J'ai déconné. Sans toi, je peux plus déconner. Tête à inventer. Tu voulais savoir ma vie? J'ai traîné ça m'a scanné. quartier j'ai vu mes amis. J'étais content, ça fait des années. Dans mon team on est un peu tous fous. On bruit ça sur les six coups. Si la famille vient boire un coup, ramène ta folle, on lui met son coup. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'joue pas le brigandé. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'joue pas le brigandé. Elle est mignonne, bien sapée, cheveux bien lissés, disquette, j'vais glisser. Eh, j'connais pas l'ennui, sur les pins, ça c'est beau, oui. Ouais, j'm'enjaille dans un bolide, côté passager, une belle vie. Eh ouais, j'vais m'enjailler, eh ouais, j'vais m'enjailler. Eh ouais, j'vais m'enjailler, décalé, j'vais couper, j'fais la danse de la suite. Eh ouais, j'vais m'enjailler, mes doudous, j'vais m'enjailler. Décalé, je vais couper, je fais la danse de la suite. Mais tout doux, enjaille, toi fais-le comme si t'étais rapta. Elle me raconte sa vie, ma gueule, je m'en fous, je la connais pas. Fume ta chicha, yeah, papi, chaque fois tout est richa. DJ Keizo, platine, ma gueule, tu connais déjà. La go là-bas, elle me fait trop mal au crâne. Profite sa vie d'aloca. Elle se croit fraîche, elle est pute. J'aime sa copine, ça c'est vrai. Hello, la go là-bas. Allo, allo, tello. Elle fait la folle. Rien qu'elle s'appelle, elle fait des selfies. Elle fait la folle. Elle s'ambiance le jour comme la nuit. Elle fait la folle. Et j'avoue qu'elle me donne envie. Elle fait la folle. Ma belle, c'est moi, ton mari. Ta copine est le bon. La plus belle. Ce soir t'es la plus belle. Ce soir ouais, ce soir t'es la plus belle. Ce soir t'es la plus belle. Ce soir ouais, ce soir ouais. Galanterie, égérie, marchand d'amour. Femme légère, top modèle, belle de jour, vit la nuit. Elle aime trop ça, les gros losas, rouge à lèvres, bouche à rissa. Fille facile, talons aiguilles, par ici, elle aime trop ça. Elle aime trop ça. n'est pas raisonnable. Rafale dans ton salon, sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. J'fais ni à la Coris, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, si c'est pas raisonnable. Rafale dans ton salon, sera sûrement désagréable. On trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, ont-ils dit. Y'a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas. Le remonte, tous ils nous tombent, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Sous mauvaise idée. On m'a dit que j'étais le prince, maintenant je suis plus marqué. Quand t'as fumé ma moula, arrêtez pas la bouteille dans les bouches. Moi je suis seul dans mon couloir. Check calcem, je sais check calcem. Comparez pas les matisselles et mon gars prison. C'est fini de passe pour retrouver le silence. Déjà vous m'appelez, j'ai répondu présent. Quand je perds des personnes, j'ai les couilles en ciment. Libérez nos poteaux, ça fait déjà longtemps. Ouais, ça fait déjà longtemps. Tu t'aimes ou t'aimes pas, je vais rester le même. J'y vais mollo mollo car les gens le savent. Fils, fais les choses bien avant de partir. Si je fais l'effet d'un extinct. ensemble, faut nous laisser. Bientôt on va peser de Marseille, y'a pas n'importe personne pour nous raisonner. N'importe quel réseau BCBG, mais du ghetto t'es que ton viseau. NASA que Black Manta libido, on fait comme d'hab, on voit loin comme un visionnaire. Tes soucis, laisse-les tomber, fais péter la mauvaise. Rien de mauvais, c'est une vie de bohème. On a bien pas sale comme t'as pas idée. Produit des gars, il nous a validé. Y'a du potentiel, tu vas céder. Ah ah, j'ai dit jamais. Oh oh oh, j'ai dit jamais. Choqué, choqué, on va les chécou, chécou, ils vont chéca, chéca comme d'hab. Choqué, choqué, on va les chécou, chécou, ils vont chéca, chéca comme d'hab. Ils veulent nous tester comme d'hab, ils vont regretter comme d'hab. Nous ambiancer comme d'hab, DJ K c'est comme d'hab. Laissez faire les experts de la fête, levez-vous les mecs, faut célébrer. On va s'élever. Ce soir, faut sortir la monnaie. T'inquiète, c'est les préliminaires. Vision, on va t'éliminer. Même si tu t'appelles Teddy Riner. Y'a pas de stress ici. Du son qu'on apprécie. PlayStation sort de la DC. On vit pas nos rêves, on anticipe. C'est dur, c'est dur. On a trop d'appétit. Mais y'a trop de belles filles, c'est bougé. J'attends que toutes les épouses. J'ai soulevé, j't'ai touché, t'es mort, t'en es couplé. J'ai sorti de l'ombre sans forcer. Y'a du potentiel, tu vas céder. Ah ah, j'ai dit jamais. Oh oh oh, j'ai dit jamais. Choqué, choqué, on va les chécou, chécou, ils vont chéca, chéca comme d'hab. Choqué, choqué, on va les chécou, chécou, ils vont chéca, chéca comme d'hab. Ils veulent nous tester comme d'hab, ils vont regretter comme d'hab. Nous ambiancer comme d'hab, DJ K c'est comme d'hab. DJ Geist ambiance avec tous les sons du moment. Ambiance la petite. Et maintenant coller la petite. Récupère la petite. Embrouiller la petite. Envoie la petite. Et maintenant. Maintenant coller la petite. Coller la petite. Coller la coller la coller la coller la coller la petite. Coller la petite. Coller la coller la coller la coller la. Et maintenant, coller la petite, coller la petite, coller la, coller la, coller la, coller la, coller la petite, coller la petite, coller la, coller la, coller la, coller la. On ne te trompe pas, dans la fête on ne se comporte pas. Chez nous le lait ne se donne pas, la vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi mon ami, et surtout arrête de cogiter. La vie est tellement belle, si tu as l'occasion de fêter, faut en profiter. Y'a les filles androïdes, y'a les filles tchongo. Il y a toujours de la, les majaja et les matongo. Il y a toujours de lolo, les babouches et les pointus. Et même si tu choisis le 80 mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta pointue. Choisis ton couloir, tout n'est pas dit, choisis ta petite. Mange-la avec appétit, et si tout montre-lui que tu n'es pas un petit. Les huit envoient le lait, aujourd'hui c'est la finale. Mais avant de la coller, attends d'abord mon signal. Thanks. j'entends la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a zéra gna gna. Je fais le tour de la ville en chantant la la la. J'ai fêté le million et j'ai mon compte au Panama. Elle fait la meuf docile, mais c'est une vraie chétana. Tu la ramènes à l'hôtel, elle dit qu'elle a zéra gna gna. Vas-y, continue, lève-toi. Ensuite il parle faire un braquage. En route toute la nuit, elle fait le kiwi ou le banana. Elle fait trop la bonne et je la traîne par son bandana. Y'a les condés à ra. La mèche cache la salha. Et ta ceinture bata. Ça va finir au star. On reconnaît les babous, on reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. On va arrêter de penser de même, apprends des masses, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Envie ta tenue, mon gars, place au combat. On ship point fat, paye son test, mon bot qui va gérer mes vêtements. Imagine ça, tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, fais bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Paris, Mbalé. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11 ans, je vis, ça va pas. Gâté, appétit, quand je veux marcher la boule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Tout ça, les quais sont verts. Rise Supreme, minuit, 2h, c'est Skyrock. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Après, tu la connais pas la porte verte. On se dit, l'air que c'est moi qui le passe. La passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus tenu l'air quand la ligne est restreinte. Gâté, appétit, quand je veux marcher la moula du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Quand je veux marcher la boule à tout Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Paris Fashion Week, DJ A-Boom, you know what it is when you hear that. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Bottles on me, I see you mañana, shorty on E, in Paris I'm gone, hey. Tu sais déjà, hey. Tu sais déjà, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, tu sais déjà, tu sais déjà, tu sais déjà. Lights, camera, action, Paris, fashion week. Diamonds flashing, pull up, pull up, bullet, bullet. Straight to the top, then throw my hood up, hood up. Tu sais déjà, hein? Tu sais déjà, hein? Bonjour, new bitch, hein? Au revoir, old bitch. Pour être bien, tu m'as avec toutes sortes de mots.

pas mis du Gucci. تدوديه صطاد برشيت كازاق محمديه كراج حل الزبادة ولا سلمية ولاد بن حمان عايشين كمية البون دي ميستيريو جيت حميدة لاشفرتي موطور يعطيك سيدة ولاد كازا صحب دار بيضة هزو ديكم ليوما نايضة وش تاع قنيطرة ممكن نسو فاس نطلع السما باش نتنفس ولا بودة فخاطر بيبي مناجب مهدي ولا ياسين انا اليوم مع جيت حميدة انا اليوم مع البوني انا سميتي يوكا تاكا وفينا فينا اخواتي J'ai de la Belgia, piscine, villa, robot dans un riad. Vodka, whisky, 3 kilos de grillade. Mida au platine avec qui on fait la gif. Des pompes platine, des pompes curie. C'est la bête jet set, putain de rosé. La bête étalée et ne névrosée. On est heureux, on tire en l'air, strat fantasia. Fais-moi une tasse du vent, bouge ta charma. Ouais, c'est le halla, soir ce c'est Hammi. Maman n'aime pas ce que vend Hammi. Ana lioma ma djit Hamida. Ana lioma ma Alboni. Ana smidi yuka dada. Ouais, fina fina khwadi. الملح فك لي خداش غاشت لا كوتي جير اون روك في الليل سور جو شعبي جتون سلا رومبا بارلو زانمي تي فيري دلا روندا اديسيون كوسموس بريزون دي جي مغاد طولتا C'est ça depuis des années. Si j'ai bossé, bossé, ben c'est pour les centimes. J'fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas de vanne. J'vais les laisser dans le déni, car ce soir j'suis dans mon délire. Ouais, Bruxelles, ça devient terrible. Ouais, ouais, ouais, ouais. Parle pas trop de folie, même mon bled, on est reconnu. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et plus on a Charlie, ouais, n'a pas rien dansé. Et le DJ, mon rap, ta copine est danger. On fera tard le bled, ça va pas changer. J'suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Younes, la France, in Albu Holo. DJ Case, retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On We'll be right back. 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai coté. Buteur à ton meilleur, toujours en train de traficoter. Le compte pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en colloque avec moi, maintenant dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai plus trois gars, je voyage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est tout quand j'ai la bombe à charge. Je prends le selfie, je l'ai dit, casse pas star. Si je suis sur la piste, au platine, c'est DJ Kaist. Hey, platine. Minuit 2 heures dans Ride Suprême sur Skyrock.